fantasque du Pays Basque, tu te démasques sous le soleil. Tes joyeux drilles en espadrille dansent et sautillent dès le réveil. Le fandango, ça vous colle à la peau, ça vous court dans le dos, ça fait tourner les filles. Le fandango, dans la fête en folie, danse avec ses amis, danse au cœur du pays. Le fandango, le fandango, le fandango, c'est l'oubli de l'hiver, c'est le vent de la mer, c'est la folie dans l'air. Rythme fantasque du Pays Basque, sous la bourrasque, au mille feux. Quand on attaque, cet air qui claque, chacun s'embarque, la poudre aux yeux. Le fandango, ça vous colle à la peau, ça vous court dans le dos, ça fait tourner les filles. Le fandango fait danser la mémoire des vieux qui vont s'asseoir sur la place le soir. Le fandango, le fandango, le fandango, c'est l'oubli de l'hiver, c'est le vent de la mer, c'est la folie dans l'air. Le fandango, ça vous colle à la peau, ça vous court dans le dos comme un désir nouveau.